Et on va continuer à étudier Romains 8 ce matin. Romains 8. Quand nous parlons avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de vivre. Si vous avez regardé il y a quelque temps, peut-être quelques années maintenant, quand le film Le Titanic est sorti, si vous avez regardé le film, sur ce gros bateau de luxe, il y avait des milliers de personnes qui étaient en train de mourir sans s'en rendre compte qu'ils étaient en train de mourir. Ils n'étaient pas conscients que c'était leur dernier voyage. Et même après que le bateau a frappé l'iceberg, ou en français on dit l'iceberg, on dit un glacier, après qu'il ait frappé le glacier, ils pensaient encore qu'ils s'en sortiraient. Les gens que vous côtoyez, hier j'étais dans une veillée des fêtes, et j'étais assis à ma table avec Denise, et je regardais alentour de moi, je disais, aucune conscience de ce qui se passe dans leur vie. Ils ne sont pas au courant que dans quel état ils sont face à Dieu. Ils ne savent pas. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons est sous la condamnation de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont déjà condamnés. Quand on était plus jeune, quand on allait à l'Église catholique, on disait, quand on va mourir, Dieu va nous juger. Et là, il va nous amener au ciel, ou là, il va nous condamner en enfer. Mais la Bible nous dit que l'être humain vivant sur la terre est déjà condamné. Dès sa naissance, il est condamné. Parce qu'il vit au monde pécheur. Et on vit au monde, ce qu'on appelait dans le temps, la tâche originelle. Puis dans notre croyance, la tâche originelle empêchait l'enfant d'entrer au ciel. Fait qu'on se dépêchait bien vite à faire le baptême pour enlever la tâche originelle. Parce qu'on croyait que cette tâche-là, s'il mourait sans l'avoir enlevée, il allait au limbe. Mais c'était pas le ciel, peu importe c'était quoi, mais c'était pas le ciel. Donc on croyait ça, même en tant que catholique, que l'enfant venait au monde est en pécheur, perdu. Mais nous, on sait que ce n'est pas le baptême qui enlève cette tâche-là. Ce n'est pas le baptême qui fait qu'on devient un enfant de Dieu. Surtout un enfant, je parle du baptême d'un enfant, je parle qui n'est pas conscient. Ce n'est pas cette manière-là qu'il faut le faire. Mais de convaincre les gens que le monde est sous le jugement, ce n'est pas évident. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la puissance de Dieu, ça prend le Saint-Esprit pour les convaincre. Nous, on est des gens qui disent des vérités, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les convainc. Si quelqu'un veut lire, chacun un verset, n'importe qui, quand il y en a un qui a fini, l'autre lit. Regardez, c'est le mot jugement. Le mot jugement, dans la langue originale qui est grecque, c'est le même mot que le mot condamné. Le même mot. Donc, vous pouvez lire, n'importe qui, puis on va lire en descendant. Dans 5:29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, c'est à 2 Pierre en haut. Donc, tous ces versets nous disent que le monde est sous un jugement, sous une condamnation. On les a appelés les injustes, on les a appelés les impies, on les a appelés de différents noms dans ces versets-là. Mais il y a un jugement. On dit qu'on dit ça des fois, il y a un épée de Démoclès au-dessus de la tête. C'est pareil comme quelqu'un, il serait couché sous la guillotine, la tête prise dedans, puis il y a juste la guillotine qui est au-dessus, puis elle peut tomber n'importe quand. Slock! Couper le cou. Il y a un jugement qui est au-dessus. Dans Jean 3, c'est marqué, « Et la colère de Dieu demeure sur eux. » Elle est déjà là. Elle reste là. Jusqu'au jour où il meurt, et là, la personne va être entraînée dans les effets de la colère de Dieu si elle meurt dans un état où est-ce qu'elle est encore sous le jugement de Dieu. Et ce que nous avons commencé à étudier il y a quelques semaines, c'est dans chapitre 8, où est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 1, chapitre 8, verset 1, quelqu'un peut le lire? Non selon la chair, mais selon l'esprit. Là, j'essaie d'aller dans mon texte, je ne suis pas rendu. Vous êtes rendu avant moi. Donc, il n'y a plus maintenant, il dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ce qu'on est en train d'étudier ensemble depuis quelques semaines, c'est comment est-ce que Paul peut dire cela après les versets qu'on a lus? Les versets qui déclarent l'humanité sous le jugement et la condamnation, lui, il dit, il n'y a maintenant plus de condamnation. Donc, il y a un moyen d'enlever la condamnation. Si on avait le pouvoir d'entrer dans un hôpital et dans un département où est-ce que tous les gens qui sont là sont malades, sont cancéreux, et qu'on crie à la porte, « J'ai dans mes poches un moyen pour vous guérir du cancer. » Je vous garantis qu'ils sortent tous les lunettes et s'en viennent tous jusqu'à la porte en courant. Parce qu'il y a un moyen d'éviter la condamnation. Parce qu'eux savent qu'ils sont condamnés. Ils le savent. Ils le croient. Le médecin leur a dit, puis ils en ont les effets dans leur vie. Ils savent qu'ils sont condamnés. Donc, si quelqu'un leur dit un moyen d'éviter la condamnation, ils vont se garocher pour la prendre. Mais ils sont prêts à tout donner ce qu'ils ont dans le monde pour l'avoir maintenant. C'est pour ça qu'ils sont sortis de ça. Mais ceux qui ne le savent pas, puis qui ne le croient pas, les autres ne sont pas prêts à donner une scène pour l'avoir. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont malades. Ils ne croient pas qu'ils sont condamnés. Ils ne croient pas qu'ils sont sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu. Ils croient qu'ils sont corrects. Et nous, mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité d'aller leur dire. C'est un message qui n'est pas facile à dire. Je ne sais pas si personne qui sait qui est médecin, qui a déjà eu à dire à quelqu'un, hein? Tu vas mourir. Tu vas être malade. Tu vas... C'est notre responsabilité d'aller leur dire. Hein? Mais nous, on n'est pas comme le médecin qui dit au patient, tu as une maladie et tu vas en mourir, il n'y a aucun remède. Nous, on peut dire à la personne, tu es malade, mais il y a un remède. Souvent, quand j'évangélise et dis aux gens, ce que je vais te dire, tu vas sembler très négatif. Ça va sembler très difficile. J'aimerais que tu ne t'en fasses pas parce que j'ai un remède à la fin. J'ai quelque chose à te dire à la fin qui va te donner un moyen d'éviter ça. Mais je dois te dire avant ce qui doit être dit. C'est parce que tu ne comprendras pas le remède que je vais te présenter. Mais comprends bien que maintenant, je vais te dire des choses qui sont difficiles, qui sont noires, qui sont dures à accepter. Mais en même temps, dis-toi bien que si tu l'acceptes et que tu le crois, il y a un moyen d'en sortir de ça. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Parce que là, c'est moins dur à accepter. Hein? Si le médecin dit, je vais te dire que tu es malade, mais ne fais-toi pas, j'ai un remède. Je vais t'expliquer c'est quoi ta maladie, je vais t'expliquer c'est quoi le remède, puis tu vas t'en sortir. Hey, ça fait moins peur, pas mal, hein? Moins peur, pas mal. Mais si le médecin vous dit que tu as une maladie et que tu n'as pas de remède, là, c'est énervant. Donc, on a commencé à voir dans les semaines passées que la première raison que nous ne sommes plus condamnés, c'est parce que nous avons été affranchis par la loi du péché et de la mort. Nous avons été affranchis de la loi et du péché et de la mort. Par la mort de Jésus-Christ. Jésus s'est fait chair, il a pris un corps humain, il a accompli la loi pour nous, il est mort pour nous, donc on a été libérés de ça. La chair, la loi nous condamnait, mais Jésus a enlevé cela parce qu'il l'a pris sur lui. Donc, c'est la première raison qu'il nous a donné dans le verset 1 jusqu'à 4. La deuxième raison, c'est que nous nous affectionnons aux choses de l'Esprit. Nous ne serons jamais condamnés parce qu'on s'affectionne aux choses de l'Esprit. On aime les choses spirituelles, on aime les choses de Dieu, on aime la vérité. On aime la vérité. Donc, on ne sera jamais condamné par Dieu parce qu'on aime Dieu. Il ne faut pas dire qu'on l'aime à cause de notre capacité. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier, parce qu'il nous a donné la capacité. Maintenant que je l'aime et que je désire être avec Dieu, que je désire une relation avec Dieu, je sais que c'est parce qu'il me l'a donné. Et s'il me l'a donné, il ne va pas me le renlever. Donc, parce que j'affectionne les choses de l'Esprit, je sais que je ne serai jamais condamné. La troisième qu'on a vue, c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Christ en nous. Il nous a donné un sceau. Vous vous souvenez le sceau qu'on a parlé la semaine passée? Il nous a étampé ça dans le front. Toc, toc! Il nous a affranchi. Il a mis un beau gros sceau, c'est le Saint-Esprit. Et on nous dit ensemble, quand Jésus va revenir, il ne regardera pas dans quel baptême vous allez le dimanche matin, il va regarder si vous avez le Saint-Esprit, le sceau. Si vous l'avez, vous partez avec lui. Si vous ne l'avez pas, peu importe ce que vous allez à l'église, peu importe comment vous avez été de temps, vous ne partirez jamais. Donc, on a dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit en nous, et c'est le Saint-Esprit qu'en nous, on lui appartient. Et on a vu un paquet de choses que ça faisait. Hein? Quand on est affranchi ou qu'on a un sceau sur nous, ça fait un paquet de choses comme résultat. Comme si on mettait le sceau du roi sur une enveloppe dans l'enseignement, ou si on met un timbre sur une enveloppe aujourd'hui, ça propulse l'enveloppe dans un processus que l'enveloppe, normalement, va se rendre à destination. Elle ne va jamais arrêter entre les deux. Nos moyens humains sont faillibles, le moyen de Dieu est infaillible. Quand Dieu met un thème sur nous, qu'il met un sceau sur nous, ça veut dire que le chemin va se faire jusqu'au bout. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Donc, pas de condamnation. Et ce matin, nous allons avoir une de plus à partir du verset 17. À partir du verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent nous sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, la condition pour être glorifié avec lui, c'est quoi? Il y a ici, dans notre verset 17. Si nous souffrons avec lui, nous allons être glorifiés avec lui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par cette petite phrase-là? Et la vérité qu'on voit ce matin, nous ne serons jamais condamnés, ou il n'y a plus de condamnation sur nous, parce que nous souffrons avec lui. Parce que nous souffrons avec lui. Et la question que vous allez vous poser, souvent, vous allez dire, mais est-ce que je souffre avec lui, moi? Est-ce que je souffre avec lui? Et j'ai lu plein de livres cette semaine sur ce verset-là, dans mon ordinateur, parce que j'ai ça dans mon ordinateur, je lisais, j'ai tout vérifié les différentes traductions, j'ai tout vérifié les 10, 15 commentaires que j'avais, j'ai tout vérifié ça, et je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'on dit. Il y a un petit mot, c'est bien important, des fois qu'on ne garde pas bien. J'aurais dû le mettre en gras, en souligné, puis en tout ce que je... Hop, c'est pas celle-là. Il faudrait que je changerais de page. Si toutefois nous souffrons avec, pas pour, pas à cause, c'est bien différent. Il ne dit pas si nous souffrons pour lui, pour son nom, c'est pas ça qu'il dit. Il dit si nous souffrons à cause de lui, c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit avec lui. Ah là, c'est différent. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et j'aime beaucoup plus le mot avec que le mot pour. Une grosse différence. Parce qu'il y a bien des gens qui ont été sauvés et qui sont morts et qui n'ont pas souffert pour le Seigneur. Ils n'ont pas souffert à cause du Seigneur. Ils ont été sauvés, Quelques temps après, une semaine, deux semaines, il y en a qui meurent, et ils sont sauvés 4-5 jours avant de mourir. Ils sont sur le lit d'hôpital, ils sont sauvés, ils vont mourir. Mais ils n'ont pas souffert pour le Seigneur ou à cause du Seigneur. Donc vous allez, ah, ils ne peuvent pas être glorifiés, ceux-là. Ils ne peuvent pas être glorifiés parce qu'ils n'ont pas souffert avec le Seigneur. Je suis content que le mot ne dise pas pour. Parce que le mot pour, je n'ai pas de contrôle dessus. Parce que je peux parler du Seigneur, puis pas en souffrir. Quelqu'un peut accepter le Seigneur. Mais je peux parler du Seigneur, puis quelqu'un me persécute à cause que je parle du Seigneur. Mais ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais souffrir avec lui, ah ah, ça, c'est ma décision. Et si je décide de ne pas souffrir avec, je ne serai pas glorifié avec. Fait que là, c'est important, ça. Hein? Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, souffrir avec Jésus. Comment vous le comprenez? Vous êtes aussi bon que les théologiens que j'ai lus. Vous pouvez donner votre idée. Tout le monde donne son idée. C'est correct. On a le droit de donner notre idée. Hein? Mais quand vous donnez votre idée de même, dites pas, là, ça, c'est la vérité, parce que là, peut-être je vais dire le contraire. Là, vous êtes mal pris. Mais dites, ça, c'est ma compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, je souffre avec lui et je vais être glorifié avec lui? C'est pour ça que je ne serai jamais condamné. Je souffre avec le Seigneur. Là, vous avez peur de prendre un risque? Oui, vas-y, ma brave. Oui, je suis content que tu aies fini comme ça ta phrase. Je pensais que tu en allais avec, je souffre pour, mais c'est souffre avec. 50% de la réponse, ça c'est bon. 50% de la réponse. Parce que j'ai une autre petite réponse avec, ça va faire 100%. Mais le souffre avec, c'est je souffre de voir les gens dans lequel état ils sont. Je souffre de voir le péché dans le monde. Je souffre de voir le péché dans ma propre vie. Je souffre avec lui de voir l'état du monde dans lequel on est. Je souffre comme Jésus sur son âme qui pleure, qui dit « Pauvre Jérusalem, pauvre vous autres si vous compreniez. » On ressent une tristesse devant l'état spirituel du monde dans lequel nous sommes. C'est important, ça. Je souffre avec lui. Parce que le Seigneur souffre de cette façon-là. Il souffre de voir le monde. Quand il pleure, quand Lazare est mort, Jésus pleure, il souffre. Puis il souffre pas juste de voir pleurer les deux femmes. Il souffre de voir tout l'état dans lequel son monde est. La mort, la tristesse, le désarroi face à la mort. Jésus souffre de cela. Parce qu'il n'a pas créé le monde pour ça. Lui, il a créé le monde pour la joie, le bonheur. Puis il voit ses créatures souffrir et ça le rend triste. Il dit, je souffre. Et je dirais que c'est la meilleure explication du texte. D'autres disent, souffre avec lui. Et je crois qu'on pourrait mettre l'autre 50%. Ça pourrait être vrai. Je ne suis pas sûr que le texte l'implique dedans, mais ça pourrait être ça. Aussi, je souffre avec lui dans le sens où je suis mort avec lui. J'ai souffert la mort avec lui. J'ai souffert la croix avec lui. J'ai souffert dans ce sens-là. Parce qu'on dit bien, hein, je me suis identifié dans sa mort. Donc, j'ai souffert avec lui dans sa mort. Il y en a qui disent, c'est ça que ça veut dire. OK, c'est OK. Je pourrais mettre ça dedans. J'ai souffert avec lui, donc je suis mort avec lui sur la croix. Et maintenant, je souffre avec lui de regarder le monde dans lequel nous sommes présentement. Le chrétien ne souffre pas condamné avec le monde, parce que d'autres textes vont dire, il n'aime pas le monde. Vous me saisissez, c'est le côté négatif. Il n'aime pas le monde. Il est triste de voir le monde dans lequel le monde est. Donc le chrétien ne sera pas condamné à cause qu'il souffre de voir le monde dans lequel état il est. Quand vous souffrez physiquement, ou émotionnellement, ou psychologiquement, est-ce qu'on peut le voir? Des fois oui, des fois non. Si quelqu'un est assez proche de toi, il va le voir presque plus souvent. Émile va le voir plus souvent que moi, je ne peux pas le voir. Puis toi, tu peux me le cacher pendant une petite demi-heure ou une petite deux heures à l'église, mais tu ne peux pas le cacher à Émile 168 heures par semaine. Il va finir par le comprendre. J'espère, Émile. Que tu vas faire mal à voir. En tout cas, des fois, ma femme, elle me donne un petit coup pour que je voie mieux, là, mais je suis triste, François. Oui, oui, oui, bon. Mais où est-ce que je suis rendu, François? Reviens. Émile, c'est ta faute. J'ai perdu mon idée. OK, on le voit. Hein? Quand je souffre physiquement, je peux le voir. Tu vas me voir boiter. Moi, j'ai mal à un doigt, j'ai tombé. J'ai mal à un doigt. Puis quand des fois, je viens écraser mon tube de Pont-à-Dent, ma femme a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai mal, elle l'a vu. J'avais une douleur. Donc, elle a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai mal encore à mon doigt. Donc, elle pouvait voir hein, que j'avais encore mal. La douleur, ça se voit. Mais moi, hier soir, j'étais assis avec une madame, elle est venue me voir, elle est venue m'annoncer une bonne nouvelle. J'ai pu voir qu'elle était joyeuse. Mais quand elle m'a raconté d'autres choses, j'ai pu voir qu'elle était vraiment triste, parce qu'elle a vécu une grosse dépression, elle était à l'hôpital longtemps. Donc, on pouvait voir, on pouvait même sentir sa douleur à l'intérieur. On pouvait voir, on pouvait sentir, on pouvait écouter la douleur. Quand un chrétien souffre, comment on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut le voir pour nous autres même, saisir? Parce que moi, je m'interroge tout le temps, je me questionne tout le temps. Quand je vois un texte de moi, je me dis, est-ce que moi je souffre avec lui? Est-ce que je souffre avec lui? Mais la Bible ici va nous donner, à partir du verset 19, trois choses qui parlent. Et dans trois textes, vous allez voir le mot, on va lire le mot « soupir ». Dans ce texte-là qui s'en vient à partir du verset 19, on va voir le mot « soupir ». Il y a trois choses qui soupirent dans le texte, là, en arrière. Et ça, c'est, je dirais, le mot central. Parce que quand je souffre, je soupire, c'est ce que le texte dit. Quand on fait, ça veut dire quoi, on fait un soupir? Hein, quand on fait ça veut dire quoi habituellement? Enfin, il est parti. C'est pas ça qu'on parle ici. On parle un soupir qui a un désir de délivrance de la douleur. Quelqu'un qui souffre veut arrêter la souffrance. Il a hâte que la souffrance arrête. J'ai lu un livre d'un médecin qui dit guérir à n'importe quel prix. Il dit, quand les gens souffrent, ils sont prêts à faire n'importe quoi, payer n'importe quel prix pour en sortir. Parce qu'on n'endure pas la souffrance. C'est pas la souffrance, vous savez, c'est pas naturel. C'est naturel dans un sens, mais c'était pas le plan de Dieu, la souffrance. C'est la conséquence du péché, la souffrance. Donc, quand on souffre, notre instinct naturel, moi, quand je mets ma main sur quelque chose de chaud, mon instinct me dit, enlève ça de là. Pas mal. Et quand je souffre, autant émotionnellement que psychologiquement, que spirituellement, je veux enlever cette douleur-là. J'ai hâte qu'elle parte. Et là, ici, il va le dire, trois soupirs de suite. Et vous remarquerez ça, c'est vraiment intéressant. Verset 19. Quelqu'un veut lire à partir du verset 19, puis je vais vous dire qu'à arrêter. Le premier soupir, c'est ça. Il dit, qu'est-ce qui désire la délivrance ici? Qui est-ce qui désire la délivrance? Qui est-ce qui soupire? La création tout entière désire la délivrance. La création tout entière veut la délivrance. Au verset 19, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la création, ce qu'on peut comprendre là, sait que la délivrance va venir quand les fils de Dieu, nous, on va être délivrés. Sa délivrance à elle va être en même temps que la délivrance à nous. Elle soupire parce qu'elle a été maudite à cause de nous. Savez-vous ça? Des fois, quand je vois les naturalistes et les écologistes qui essaient d'améliorer la Terre, je dis, vous avez oublié quelque chose. Dieu le maudit. Et à cause que le maudit, ça n'ira jamais bien. Il va pousser des ronces et des épines. Ce sera jamais le paradis. Dieu l'a maudit la terre à cause de nous. À cause de nous. Pas à cause des bateaux d'huile ou de charbon qui viennent en l'envers. Oui, c'est pas bon, ça. Mais la raison pourquoi la terre souffre et qu'elle est dans cet état-là de dégénération, c'est à cause de nous. Et la terre souffre. Je ne suis pas sûr de tout ce que l'apôtre Paul englobe dans la création, toute la création. Il embarque-tu les anges là-dedans? Peut-être que oui. Il embarque. Qu'est-ce qu'il embarque? Mais même les gens dans le ciel, dans l'Apocalypse, ceux qui sont déjà rendus au ciel, savez-vous qui crient encore? Ils sont sur l'autel dans l'Apocalypse 6 et ils disent, « Seigneur, quand est-ce que tu vas mettre une fin à ça? Quand est-ce que tu vas faire l'évolution de la nouvelle terre? Quand est-ce que tu vas nous donner notre nouveau corps? Quand est-ce que tu vas nous ressusciter? » On a hâte que ce soit fini. Même rendu là, il y a encore hâte que ce soit fini. Parce qu'ils ne sont pas dans le salut complet. Parce qu'ils savent que ce n'est pas ça le salut complet. Le salut complet, c'est la résurrection et le nouveau sur une nouvelle terre. Et la gloire du Seigneur partout. Ils attendent ça. Ils désirent ça encore. Donc, même la terre qui vit les conséquences du péché soupire, désire être délivrée de cette corruption du péché. Il y en a un autre. On est rendu là, hein? Verset 23. Il y en a un autre qui soupire. Qui veut lire? Je vais vous dire qu'arrêtez. On arrête cela. Qui est-ce qui soupire maintenant ici? C'est nous. Nous soupirons. Nous, les chrétiens. Nous soupirons pour la délivrance de notre... Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Notre corps. L'apôtre Paul avait dit au début du chapitre 8, il faut étudier dans son contexte, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Qui va m'en délivrer? Je suis tanné, dit Paul, de vivre dans ce péché, dans ce monde de péché. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne suis pas capable de le faire. Et je suis tanné, je voudrais sortir de ce monde dans lequel je suis. Ça, c'est quelqu'un qui souffre qui dit ça. C'est quelqu'un qui désire la résurrection. C'est quelqu'un qui désire qu'il y ait une fin à ce foutu monde dans lequel on vit. Combien de fois je dis au Seigneur, « Seigneur, si tu viens me chercher ce soir, je ne me plaindrai pas demain matin, je te le garantis. Je ne me plaindrai pas demain matin. Tu peux venir me chercher n'importe quand. » Quand ma fille est morte, le Seigneur dit, « Tu aurais dû venir me chercher, moi, je voulais partir. Je suis prêt à partir. Je serais content de partir si tu venais me chercher. » Parce que je suis tanné de ce foutu monde dans lequel on est. Monde de misère, de souffrance, de difficultés, d'adultère, de problèmes, d'abus, de toutes sortes d'affaires. On est tanné d'être dedans. Ça, c'est la souffrance du chrétien. Il désire n'en finir. Il veut partir de ce monde. L'apôtre Paul, il dit, « Je désire partir. » Oh, il dit, « Il n'y a rien de mieux que de partir sans aller au Seigneur. » Il dit ça dans Philippiens, hein? C'est ça qu'il dit dans Romains 8, il dit, « La mort est un gain. » C'est gagner. On ne perd pas. Quand on meurt, on gagne. Oh, il dit, « Comme ça, j'aimerais ça. » Paul, il dit, « Oh, comme j'aimerais ça partir. » Mais je vais rester encore un petit peu de temps, vous avez encore besoin de moi, parce que je n'ai pas fini avec moi, ça, pour vous instruire. Mais il dit, « J'ai hâte de partir. » Voici quelqu'un qui souffre d'être ici-bas. Ça, c'est la preuve qu'on ne sera jamais condamné avec le monde. On ne sera jamais condamné avec le monde. Parce qu'on a hâte que ça arrête. Les péchés. Et pas juste pour la raison que nous autres, on est tannés, c'est parce qu'on sait que c'est le fait que ça va arrêter, ça va amener la gloire de Dieu. Notre Sauveur, notre Maître, notre Créateur va être glorifié pour l'éternité. On a hâte que ça arrête. Il dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. L'espérance, ça, c'est dans le futur. Nous sommes sauvés dans le sens qu'on était nés nouveau, mais il y a une partie de nous qui n'est pas encore régénérée, qui est notre corps. Ils ont une hâte. Parce que sans, quand ça va être régénéré, il n'y aura plus de péché. Plus jamais. Plus jamais de péché. Avez-vous déjà demandé ça au Seigneur? Juste une journée, Seigneur, sans péché. Moi-en, juste une. Juste une petite journée sans péché. Et j'aimerais exaucer cette prière-là. Père François, si tu veux ça, faut que je t'amène avec moi. Je peux pas. Parce que tu vas pécher tant, tu vas être ici-bas, dans la chair. Mais il y a un désir à l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et cet Esprit-là nous pousse à désirer la fin, l'aboutissement de ce salut-là. Il y a un troisième petit soupir. Un troisième. Verset 26 jusqu'à 28. Quelqu'un qui veut le lire? 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent. Verset pas toujours compris de la même manière par tout le monde. Certains mouvements croient ici que l'auteur parle du parler en langue. Parce que vous ne savez pas quoi demander, donc ils vont prier en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui les pousse à prier, puis l'Esprit de Dieu exprime des soupirs inexprimables à travers eux autres, à travers leur corps, et ils s'adressent à Dieu. Ce n'est pas ma compréhension du texte. D'autres chrétiens vont dire que ici, c'est on ne sait pas quoi demander nos prières, donc l'Esprit Saint va nous aider à demander les bonnes choses qu'on a compris. Ce n'est pas ma compréhension non plus de ce texte-là. Le texte dit bien une chose ici. L'Esprit Saint intercède. Il y a un petit mot à la fin de la phrase, mais l'Esprit lui-même, pas à travers nous, pas par nous, lui-même, l'Esprit intercède auprès du Père pour des choses que nous, on ne sait pas comment demander. Nous, là, cette délivrance de la création, cette délivrance de notre corps, cette délivrance de tout le péché, on ne sait pas tout comment demander ces choses-là, mais l'Esprit, il sait, lui. Et lui, il va demander au Père des choses pour notre bien-être. Lui-ci, il soupire, puis il nous regarde, puis il dit, « Pauvre François, j'ai assez hâte que toi aussi t'en sortes. J'ai assez hâte que le monde arrête avec ça. » Lui, il soupire pour moi. Il a hâte pour moi que ça finisse. Et lui, il intercède auprès du Père pour moi. Il y en a un autre aussi qui intercède auprès de nous, pour nous auprès du Père. Il s'appelle Jésus. On va le voir dans Romains la semaine prochaine, dans deux semaines. On va le voir. Il y en a un qui intercède, c'est Jésus. Puis il y en a un autre, c'est le Saint-Esprit. Une fois, j'avais imaginé ça comme ça. Mettons ça, là. Ça, là, c'est une... Ici, là, c'est blanc, c'est beau, ce matin, c'est blanc. C'est une table d'opération. Et chaque chrétien est couché sur la table d'opération. De notre plein gré, moi, j'ai 27 ans, je me suis couché sur la table. J'ai dit, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains, à toi. Je suis mort, spirituellement. Donne-moi la vie. Il m'a couché sur la table d'opération. Vous avez déjà vu des opérations, il n'y a pas qu'un monde alentour, hein? Des infirmières, puis des docteurs, puis toutes sortes d'affaires. Là, à un moment donné, tu perds la carte, tu ne vois plus, là, mais... Nous, sur un bord, il y a Dieu le Père. À la tête, il y a Dieu le Fils. Puis ce côté-ci, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et les trois travaillent ensemble dans notre vie pour accomplir le salut qu'ils nous ont donné. C'est leur travail dans notre vie. On ne pourra jamais être condamné. La Trinité complète est à l'œuvre dans notre vie pour accomplir le salut qu'on a demandé qu'ils nous donnent dans leur pure grâce. Donc, la nature souffre et soupire. Le chrétien souffre et soupire. L'Esprit de Dieu souffre et soupire que la fin arrive et qu'il puisse nous glorifier. Parce que celui qui souffre avec moi, je vais le glorifier avec moi. Le mot glorifier veut dire vous nous emmener dans les lieux célestes avec lui. Je ne peux pas être condamné. Parce que je souffre avec lui. Et il y a un sous-entendu que je vais recevoir la gloire avec lui. La grande question ce matin qu'on se pose à chacun de nous, est-ce que moi je souffre avec lui? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est ça que je vis jour, semaine après semaine? Est-ce que c'est mon état d'être intérieur? J'ai hâte que le Seigneur vienne mettre une fin à tout cela. Pour le faire, il va le faire. Il l'a promis. Quand on ne le sait pas, essayez pas de deviner. Vous pouvez le voir venir, mais essayez pas de deviner le jour. Mais on peut le voir venir. Une chose certaine, on est plus proche aujourd'hui que le 2000 ans. Hein? On est plus proche. Mais un jour, il va venir et les souffrances vont être terminées. Ils vont être dans la joie pour l'éternité avec lui. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions. Notre Père du ciel, nous te glorifions. Si nous souffrons avec toi, c'est parce que c'est toi qui habites en nous. Si nous souffrons avec toi, c'est parce que c'est ton esprit qui nous pousse dans cette direction-là. C'est pas notre chair. Notre perception nouvelle du monde nous donne l'assurance que tu vis en nous. Parce que si tu n'étais pas là, en nous, on serait comme le monde. Puisses-tu, Seigneur, pendant la semaine qui vient, te glorifier. Aide-nous à partager avec ceux qui nous entourent ce grand avertissement, cette grande vérité qu'il y a un jugement qui pèse sur eux, mais qu'il y a un moyen d'en sortir. Il y a un moyen de l'éviter. Seigneur, tu connais toutes nos craintes, toutes nos peurs, tu connais nos difficultés, tu connais tous nos tracas, tous nos projets personnels. Aide-nous, Seigneur, qu'ils ne prennent jamais le dessus sur la mission que tu nous as confiée. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que tout appartient cette semaine. Que tout ce que nous avons, c'est là pour te servir. Et Seigneur, si tu viens chercher quelque chose, aide-nous de fléchir le genou dans l'humilité et de dire, tout concourt à mon bien. C'est parfait, c'est correct. Glorifie-toi, car tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen.